L'arme de son crayon. Une aile de chauve-souris. 5 gros piments rouges. Des poils d'écailles de tortue. Je remue et je laisse cuire. L'individu crochu, quelque part bien caché, paré d'un vieux fichu, affiche un air fâché. La mégère amochée, très moche et moustachue, a sur le bout du nez de vilaines verrues. L'individu crochu a un manche à balai, un grand chapeau pointu et des ongles acérés. L'individu hideux voulait être une fée, mais le destin fâcheux la fit bien trop fâchée.